décorer des mots, leur donner corps par les mots, avec le cœur pour les mômes, avec respect pour les morts et les nôtres, des phrases, des notes, des violons, des pianos, des histoires, des anecdotes, des coups de marqueur sur panneaux, des phénos, méno, Mike, des vrais Mike Tyson, boxant les prods comme Calbo et Lino, ou Oxmo Puccino, des stylos sans bac de philo, abusant du pilon, dilant par kilo. Voilà qui en dit long, faire pleurer des mères, déplorer des miettes, récolter des merdes, parler de port armé contre un homme amer, des âmes sans mêle, sans même une réflexion sommaire, des esprits sans merde et se replient dans un pseudo-sommeil. L'erreur est au sommet, si tu en doutes, regarde juste les races qu'on se met à raison d'au moins une fois par semaine. Tout est précaire dans le genre de vie qu'on mène, c'est tellement plus clair quand on oublie qu'on aime. Au bord du monde, mon cœur s'emballe, se brise et s'embrase. Même une seconde, n'imagine pas y voir une fin sans drame. À deux doigts du meurtre, mon âme s'éveille, vrille et se vexe. Pour calmer mes ardeurs, je dois travailler mes textes en face à face avec la vie. Je vois que les portes de l'enfer ressemblent un peu à celles du paradis. On perd souvent beaucoup trop de temps à vouloir y croire. Dans les combats de sentiments, y'a jamais de victoire. Des hommes, des combats, des putains de causes perdues. Des sales idées qui perdurent, à croire qu'on a trop de vertus. On ne rêve plus à perdre de vue, c'est des champs d'amertume. Des pages de trucs taciturnes, pas si dur quand on a pris l'habitude. Qu'on est conscient que l'envie tue, constitue, constitue plus. Sauf au milieu d'une biture ou d'une piqûre. Ces faits constituent le quotidien de ceux qu'on dit dur, qu'on dit sûr, qui savent qu'un jour ils trouveront l'issue. Des pilules en bouche, des cellules en tête, des instrus salutaires. Des thèmes, des termes et des ternes et des pontes des terres. Des guerres d'égo, des grosses galères. Un dégoût de mégot dans les glaires. Une garde avant travers de la gorge. Des gamins, des bannières, des condes et des barrières. Des costards derrière, des guns, des gains pour les grands. Encore cette sale rengaine. Toujours les mêmes qui prennent pour ceux qui engrainent. Les mêmes qui saignent, les mêmes qui craignent. Au bord du monde, mon cœur s'emballe, se brise et s'embrase. Même une seconde, n'imagine pas y voir une fin sans drame. À deux doigts du meurtre, mon âme s'éveille, vrille et se vexe. Pour calmer mes ardeurs, je dois travailler mes textes en face à face avec la vie. Je vois que les portes de l'enfer ressemblent un peu à celles du paradis. On perd souvent beaucoup trop de temps à vouloir y croire. Dans les combats de sentiments, y'a jamais de victoire.